parti dans ton pays où les oiseaux jouent sur les plages pour un rien, pour presque rien. Tu es parti très loin d'ici avec mon cœur pour tout bagage. Je te le jure, tu t'es trompé. Je ne sais même pas qui c'était. Non, non, je ne l'ai pas regardé. Personne m'est plus étranger. Tu n'es jaloux que d'une image. Pour un rien, pour presque rien, tu es parti dans ton pays où les oiseaux jouent sur les plages pour un rien, pour presque rien. Tu es parti très loin d'ici avec mon cœur pour tout bagage. Non, je ne l'ai pas regardé. Tu me croiras parce que c'est vrai. Tu ne pourras pas m'oublier. Non, non, je ne l'ai pas regardé. Tu reviendras, je t'attendrai. Notre amour sera sans nuages. Pour un rien, cœur pour tout bagage.